j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 627. Et nous avons un album de la semaine, le fabuleux album Chaos and Creation in the Backyard de Paul McCartney en 2005. On écoutera Fine Line, Jenny Rain, English Tea, c'est obligatoire, Friends to Go, Too Much Rain et This Never Happened Before. Je suis absolument super déçu pour Friends to Go parce que je vous avais proposé un temps la version intelligence artificielle puisque Paul McCartney avait dit que lorsqu'il avait enregistré cette chanson, il avait pensé à George Harrison. Il avait dit « George aurait pu le chanter » et j'avais trouvé la version. J'ai pas réussi à retrouver cette version-là. Et rappelez-vous, mon ordinateur a fait un crash il y a quelques semaines. Et donc, c'est perdu à jamais si jamais les copyrights ont fait que ça a été sorti. C'est dommage, parce que c'était sympa de pouvoir écouter ce que ça aurait donné avec la voix de George Harrison. Eh ben, tant pis, hein, on va quand même faire l'émission. Il y aura également du John Lennon, du Harrison, du Ringo Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera « You Can't Catch Me » sur Rock and Roll en 1975. George Harrison nous chantera Can't Stop Thinking About You sur Extra, Texture, Read All About It en 75 aussi. Quant à Ringo Starr, rappelez-vous la semaine dernière, je vous ai proposé Love is a Many Splendid Thing par Jeff Lynne en version cover. Eh bien, cette semaine, nous allons écouter la version de Ringo Starr sur l'album Sentimental Journée. Quant aux Beatles, on commencera par There's a Place. Voilà, je vous propose de nous retrouver sur le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook, hein, forcément, parce que c'est là où je suis principalement. Et on va passer une soirée ensemble de 20h à 22h, peut-être 2-3 minutes. Hein. On va commencer directement avec le titre Fine Line et on en parle juste après. Bonne soirée à l'écoute des programmes de RG. One, two. There is a fine line between recklessness and courage. It's about time you understood which road to take. It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother. Forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother. Everything is better. Everything is better when you come home and stay. Whatever's more important to you, you've got to choose what you want to do. Whatever's more important to me, that's the view that you gotta see. cette chanson-là, j'espère que ma mémoire ne me joue pas des tours, il me semble qu'il nous l'a proposée avant la sortie de l'album, en concert, je parle. Hein. Et je vais donner raison, hein, je vais finir par donner raison à ceux qui disent « Oui, mais on vient voir McCartney pour écouter ses hits des Beatles, ses hits des années 70, parce que c'était fantastique et on a besoin de les écouter. » Et pendant un temps, jusqu'au mois de décembre, je disais « Oui, c'est pas faux, mais on aimerait tellement en écouter d'autres. » Eh bien, je me souviens que lorsqu'il avait chanté « Fine Line », alors que je ne la connaissais pas, j'avais marqué un petit temps, je me disais « Eh, c'est quoi ?» Je ne connais pas. Ça voulait pas dire j'appréciais pas, mais j'étais surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me surprenne. C'est vrai que McCartney n'est pas tellement surprenant. Mais bon, si, c'est surprenant qu'il soit encore sur scène et c'est absolument fantastique. Bon, Chaos in Creation in the Backyard, c'est le nom de cet album paru en 2005. Pour le produire, il a choisi comme producteur Nigel, je pense qu'on dit ça comme ça, Godrich, qui a également travaillé avec Radiohead. Celui-ci apporte beaucoup au processus créatif en n'hésitant pas à remettre l'artiste en question. Il le bouscule. Il lui suggère ainsi de laisser son groupe de côté pour jouer la plupart des instruments sur l'album, comme il l'avait fait sur son premier album solo. C'est un peu ce qu'il fait, mais il y a quand même, même s'il joue quand même une grosse partie, il y a quand même son batteur et un de ses musiciens avec, et puis d'autres qui sont là sur certaines plages. D'un point de vue stylistique, l'album marque un retour à une musique proche des compositions de McCartney autour des années 65 à 68. C'est vrai pour English Tea, par exemple, on peut le dire. L'album est très intimiste, avec des airs très doux et aucun morceau vraiment agité, comme sur l'opus précédent, Drive and Rain. La critique accueille particulièrement bien cet album qui est, selon elle, son meilleur depuis plusieurs années. Il a par ailleurs été nommé pour 4 Grammy Awards. D'un point de vue commercial, s'il n'atteint nulle part la première place des ventes, il entre en revanche dans de nombreux top 10 dans 13 pays au total, finissant 6e aux États-Unis et 10e au Royaume-Uni. Il devient un disque d'or en quelques jours. Selon EMI, l'album s'est vendu à plus d'1,3 million d'exemplaires dans le monde, ce qui finalement n'est pas si mal. Voilà ce qu'on peut commencer à dire sur cet album-là, on y reviendra tout à l'heure. À l'instant sur RIG, Can't Stop Thinking About You de George Harrison en 1975 sur l'album Extra Texture, Read All About It. Et auparavant, il y avait une chanson de John Lennon sur l'album Rock and Roll. Et cette chanson, c'était bien évidemment You Can't Catch Me qui avait donné lieu. La chanson Come Together a piqué des paroles à You Can't Catch Me dans la façon de faire. Et ils ont été en procès et Lennon a été obligé de... il a trouvé le moyen de ne pas payer en disant « je vais faire un album de reprise et comme ça, les droits, ça vous permettra de payer le fait que j'ai un peu pompé littéralement, quoi, que c'est pas bien. » Bon, et bien tant mieux, parce que comme ça, on a eu cet album rock'n'roll et c'est très très bien. Je voulais aussi dire que ce qui est fantastique avec RIG et surtout avec Internet, c'est que vous réagissez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Tout à l'heure, j'ai dit de Paul McCartney qu'il était assez prévisible, quoi. Il n'étonnait pas souvent. Mais je parlais en concert, alors que Yann m'a reproché « Ah oui, mais qu'est-ce que tu parles ? Tu penses alors des classiques, des Firemen, etc. » Oui, oui, absolument. Il est très étonnant, il est caméléon, il sait absolument tout faire. Mais en concert, si on a le moyen de savoir ce qu'il a joué à New York à tel mois, ce sera exactement la même chose à peut-être une ou deux chansons près quand il viendra en France. C'est dommage, mais c'est comme ça. Allez. On reprend le cours de la saga. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que la semaine dernière, je vous ai proposé Love is a Many Splendid Thing par Jeff Lynne en cover. Voici la version de Ringo Starr en 1990 sur Sentimental Journey. Oh, c'est doux. Oh, c'est calme. Serré, serré, serré. Bisous, bisous, bisous. À toi, Ringo. Then your fingers touched my

chance to be. If you want someone to make you feel so fine, then we'll have some fun when you're mine, oh mine. So come on, come on, come on. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Chanson extraite de, du même album, l'album With the Beatles, par les Beatles en 1963. Et bien qu'il s'agisse de 1963, c'était déjà leur deuxième album. Alors quand même, hein, ils travaillaient très très fort, les Beatles, en ce temps-là. Moi j'aime beaucoup la première période des Beatles parce que si les textes étaient sans doute moins creusés, il y avait beaucoup plus d'harmonie vocale, de fraîcheur, de... C'était les deux sont bien. Au début, je me rappelle, j'ai connu les Beatles un peu comme presque tout le monde, sauf ceux qui ont pu le vivre à l'époque même où ils pouvaient les acheter dès leur sortie. J'ai acheté le double bleu, le double rouge, et très vite, j'ai fini par acheter les albums les uns derrière les autres. Mais au début, je préférais la période 67-70 parce que c'était plus orchestré, c'était fantastique. Il y a dessus un truc du genre While My Guitar Gently Weeps. Mais finalement, 8 ans d'existence officiellement entre octobre 62 et avril 1970, et que de chemin parcouru, quelle progression extraordinaire il y a eu dans les années 60, pas que par les Beatles, hein, tout le monde a suivi derrière, mais c'était un truc qui n'arrivera plus jamais, je pense, plus jamais. Allez, ça c'est un petit cadeau pour les petites filles de Stella. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarines. We sur RIG. Traveling Wilburys réduit à 4, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty et George Harrison en 1990 sur l'album Traveling Wilburys volume 3 et New Blue Moon volume 3 parce qu'ils ont zappé le 2. Ouais, oui. Il y a un Français qui a fait ça, c'était Brice Denis qui a fait le troisième film en disant que j'ai dégagé le 2, je sais plus comment il dit, l'acteur, mais c'est assez marrant. Mais c'était un hommage, sans doute, au Traveling Wilburys. Je suis pas sûr, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles le mercredi, entre 20h et 22h. Parlez-en autour de vous, parlez-en encore. Je peux même vous envoyer des petits flyers, parce que j'en ai des flyers avec la saga des Fab Four. Mais il faut qu'on soit encore plus. Pour l'instant, je crois qu'en quelques mois, on a triplé notre volume d'écoute des podcasts. C'est bien, tant mieux. Et j'espère qu'au niveau également de l'écoute en direct, il y en a de plus en plus parce que ça fait 40 ans que je fais cette émission. Ça me fait plaisir de la faire pour vous. Et je suis très, très fier que vous puissiez l'entendre grâce à Internet. Merci, merci, merci. J'en connais un qui va prendre un café. Petit clin d'œil à Rook. C'est le troisième déjà, hein, ou le deuxième John Lennon avec I'm Stepping Out en 1984 sur l'album Milk and Honey. Et c'est sur RIG. 1, 2, 3, 4. This here's the story about a house husband who, you know, just has to get out of the house. He's been looking at the, you know, the kids for days and days. He's been washing the dishes, he's screwing around and watching Sesame Street until he's going crazy. Woke up this morning. I'll be in before one or two. J'aime bien la fin. Il met un pied dehors, John Lennon, et puis à la fin de la chanson, il dit « Je reviendrai avant une heure ou deux, ou peut-être trois. » Voilà, il sort, et c'était bien, il aurait dû sortir. Bon, enfin, revenons à l'album de la semaine, ce merveilleux album « Chaos and Creation in the Backyard » sorti par Paul McCartney en 2005. Voici un autre titre complètement... dans l'ambiance des années Revolver, quoi, des Beatles, de l'année Revolver des Beatles. On peut mettre Robert sur l'avant, on peut mettre peut-être un peu après aussi. C'est le fameux English Tea. Il s'est amusé à imaginer une noble en train de l'inviter à boire un thé anglais avec cette façon particulière de prononcer les mots qui le faisait marrer, lui, à Paul McCartney. Voici cette superbe chanson. C'est sur RIG. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga des papas. She was long and tall. She was the queen of them all. Light

let's go back, back, back, back, back. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. She's made me sad. I do love her. If I find her, I'll be glad. I do love her. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. She turns up while I'm gone, please let me know. Très belles harmonies vocales de John et de Paul sur cette chanson-là. I don't want to spoil the party. J'ai pas envie de gâcher la soirée. Donc je me casse, en gros. Ça, c'est bien le style de John Lennon. Mais deux chansons du même album, For Sale, en 1964. Quelle très belle année. Non, moi je trouve quand même. Allez, on fait un petit peu le ménage. Bubble, bubble. John Lennon, Clean Up Time. Bubble, bubble. Sur RG 90.7, la radio des Beatles. Moonlight on the wall, sunlight on the face. You and me together, we are in our place. The gods are in the heaven, angels treat us well. Oracle spoken, we cast the perfect spell. The queen is in the counting house, counting out the money. The king is in the kitchen, making bread and honey. No friends and yet no enemies, absolutely free. No rats aboard the magic ship of perfect harmony. Center of the circle, will always be our home. Bien cette chanson, Clean Up Time, il est temps de, on balaye devant notre porte et puis on recommence, voilà, c'est un peu le thème en tout cas de cette chanson-là et malheureusement il n'a pas balayé devant sa porte, il n'a pas eu le temps, c'est dommage, c'est vraiment vraiment dommage. Nous revenons à l'album de la semaine, l'album Chaos and Creation in the Backyard, et je regrette donc de ne pas avoir la version intelligence artificielle créée pour que George Harrison chante. Je ne sais plus si je voulais passer, il faudrait que je fasse des recherches, si je voulais passer, auquel cas si je vous ai passé déjà cette chanson chantée par George Harrison lors d'une saga, eh bien je vais pouvoir la retrouver dans les podcasts, auquel cas je peux récupérer la chanson. Sinon, il vous faut simplement imaginer que Paul a dit, lorsque j'ai créé cette chanson, j'ai pensé à George Harrison, je pense qu'il aurait pu la chanter, c'est dans son style. La voici cette chanson, Friends to Go, extrait de Chaos and Creation in a Backyard sur RIG. I've been waiting on the other side for your friends to leave so I don't have to hide. I prefer they didn't know. So I've been waiting on the other side for your friends to go. I've been sliding down a slippy slope. I've been climbing up a slowly burning rope. But the flame is getting low. I've been waiting on the other side for your friends to go. You never need to worry about me. I'll be fine on my own. Someone else can worry about me. I spent a lot of time on my own. I spent a lot of time on my own. I've been waiting till the danger passed. I don't know how long the storm is gonna last. If we're gonna carry on, I'll be waiting on the other side till my friends are gone. So tell me what I wanna know. I'll be waiting on the other side. En avance, c'est pas grave. Voici le temps de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit du temps des Beatles ou même eux après leur carrière séparée. Même si eux-mêmes chantaient une reprise à leur tour, l'idée de la cover, c'est que cette chanson soit reprise par quelqu'un de connu ou vous. D'ailleurs, vous êtes peut-être quelqu'un de connu en train d'écouter la saga des Fab Four, on ne sait jamais. Et il faut que nos quatre amis l'aient déjà chantée. Et là, c'est quand même quelqu'un qui avait fait un, une chanson, une cover complètement démente d'une chanson chantée par Ringo Starr, complètement différente de la chanson d'origine. Et on peut presque dire qu'elle est encore meilleure que la chanson. Il est rare que je dise ça hein, au sujet des Beatles. Vous savez, Joe Cocker, je ne vous ai pas choisi With a Little Help from My Friends, qui était presque trop facile. Je vous ai choisi You've Got to Hide Your Love Away, chanté par Joe Cocker, sur un album de 1991, l'album Night Calls. Et c'est sur RIG. If you love me, won't you call me? I've been waiting, waiting too long. In my soul is constant yearning, always singing, singing this song. Comme le dit Stella sur Facebook, 20 ans déjà, 2005, qu'est-ce que ça passe vite. Extrait de Chaos and Creation in the Backyard. Je vous ai fait la surprise parce que je ne vous ai pas tout annoncé. Quand un album est un masterpiece et que c'est un album de Paul McCartney, ça mérite quand même un petit peu plus que 6 chansons. Donc, il y aura un petit peu plus que 6 chansons de Paul McCartney. Oui, c'est George Harrison en 1976 et Crackerbox Palace sur RG. Trying to, not knowing where to start. I looked around. is the fact. The crackerbox palace may have no other choice than to deport you. Un petit peu plus d'une demi-heure, ce sera Eric avec son émission Johnny de A à Z. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est les grands titres des chansons françaises reprises par Johnny, comme par exemple l'hymne à l'amour et maintenant ne me quitte pas, sur ma vie, le petit cheval blanc, etc., etc. Ce sera 2 heures de chansons studio, radio, TV, live, solo, en duo. Bref, il compte sur vous et moi aussi, je compte sur vous pour écouter la superbe émission Johnny de A à Z, racontée, tissée, créée par Johnny, par Eric. Vous avez compris.

tone. I never talk too much. I try to be so strong. I did my best. I used the gentle touch. I've done it for so long. You put me down, but I can laugh it off and act like nothing's wrong. But why pretend? I think I've heard enough of your familiar song. I tell you what I'm gonna do. I'll try to take my mind off you. And now that you don't need my help, I'll use the time to think about myself. Parce qu'on va être obligé d'enlever des chansons. Ringo Starr en 1981, il faisait une reprise qu'il avait déjà chantée avec les Beatles, Sure to Fall in Love with You, sur l'album Stop and Smell the Roses. I'm sure. Dernier extrait de l'album de la semaine, Chaos and Creation in the Backyard. Voici This Never Happened Before.

she's mine. She's mine. She can make me smile as we start the day, and to hear her laugh takes my breath away. Will I ever find any words to say? On termine avec Ringo comme d'habitude. Are you ready sur RG? Bad book. Déjà ? Ah bah oui, déjà. Mais ça va être très bien maintenant, parce que maintenant, c'est Johnny de A à Z, et ça va être fantastique. Alors, ça va être fantastique, c'est sûr. Avec Eric dans très, très, très peu de temps. Merci d'avoir écouté cette émission, la 627e. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui sera... Je vous le dis déjà, puisque c'est le thème depuis plusieurs émissions, ce sont les chefs-d'œuvre de Paul McCartney post-Beatles. Ce sera l'album, un roulement de tambour, Chaos, c'est celui qu'on vient de faire, l'album Egypt Station, la semaine prochaine. À très bientôt, salut.